إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا السابع في دراسة كتاب الشيخ العلامة أحمد النجمي حفظه الله تعالى، المورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعاوية من العقائد والأعمال. Donc voici notre septième rencontre autour de l'étude de ces livres de son éminence Cheikh Yahya Ahmed bin Yahya al-Najmi hafidhahu Allah ta'ala, qui est intitulé la source douce et abondante dans ce qui est dans les critiques sur les voies de da'wa et sur certaines croyances et certains actes. هذا الباب الثاني عنوان له حفظه الله تعالى في بيان جعله في بيان العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها. أما العبادة التي من أجلها خلق الله العبادة فقد بينها الله عز وجل في القرآن الكريم، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، وهي مجموعة التكاليف الشرعية التي كلف الله بها عباده، سواء كان ذلك فيما يجب له عليهم أو فيما يجب لبعضهم على بعض، أو فيما يجب عليهم أن يفعلوه في أنفسهم كإعفاء اللحية وقص الشارب وتحريم الإسبال وتحريم أكل الربا وأكل الميتة وتحريم شرب الخمر وما أشبه ذلك. Donc nous sommes arrivés au deuxième chapitre du livre, qui est un chapitre dont le titre c'est l'éclaircissement sur l'adoration pour laquelle. C'est quoi l'adoration, la définition de l'adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les génies et les humains. Il dit, hafidhahu Allah ta'ala, que l'adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs, il l'a définie dans le Coran. Et le prophète alayhi salam l'a définie, lui a donné les meilleures des explications. Et c'est un ensemble d'obligations que les serviteurs d'Allah azza wa jal sont obligés de faire ou de ne pas faire, soit en ce qui concerne les autres, les droits des autres, soit ils s'accomplissent ces actes sur eux-mêmes, comme le fait de se laisser pousser la barbe, de couper sa moustache, et le fait de relever son pantalon et que son vêtement ne traîne pas par terre, le fait de ne pas faire des transactions commerciales avec de l'intérêt, et le fait de ne pas manger les cadavres, et le fait de ne pas boire du vin, etc. وقد عرف بعض أهل العلم العبادة فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Il dit, حفظه الله تعالى, certaines hommes de science ont donné la définition au mot العبادة. Ils ont dit que العبادة c'est un nom qui englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, que ce soit les paroles ou là des actes apparents ou cachés. Paroles apparentes ou paroles cachées, ou là les actes apparents ou les actes cachés. À savoir les actes que nous faisons avec nos membres et nos langues, ça c'est ce qui est apparent. Et les autres actes et les paroles qui sont les actes du cœur, qui sont cachés, qui sont les actes du cœur. وقال بعضهم العبادة عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه. Et certains hommes de science ont dit l'adoration, c'est le fait de unifier Allah Azza wa Jal et le fait de se cramponner aux législations d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et de mettre en application ses ordres et de s'abstenir de ses interdits. وقال بعضهم هي الطاعة والتعبد التنسك وأصل العبادة الخضوع والتذلل مع محبة وتعظيم. ولا تكون العبادة عبادة حتى تكون خالصة لله، فإن شابها شيء من الشرك كانت مردودة على صاحبها وباطلة من أصلها، لأنها حينئذ لا تسمى عبادة شرعية. وبهذا تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة شرعية إلا مع التوحيد. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم في الزهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Donc, et certains ont dit que l'adoration, c'est le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal et le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, sa base, la base de l'adoration, c'est la dévotion pour Allah Azza wa Jal. C'est le fait de se rabaisser devant Allah Azza wa Jal et d'adorer Allah Azza wa Jal avec amour et glorification. Et de sentir qu'on a besoin d'Allah Azza wa Jal tout en aimant Allah Azza wa Jal, tout en glorifiant Allah Azza wa Jal. Et l'adoration ne saurait être une adoration et être considérée comme telle, sauf s'il est fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Une adoration dans laquelle il y a de l'associationnisme est rejetée. À celui qui l'accomplit ainsi avec l'associationnisme. Et il est nul à sa base. Dans ces cas-là, il ne s'appelle plus une adoration. Ce n'est plus une adoration légiférée. D'où là, tu sais que toute adoration ne peut être nommée adoration qu'avec le monothéisme. Et dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait cette citation et nous dit ceci: je suis élevé au-dessus de tout associé. Celui qui accomplit un acte dans lequel il associe quelqu'un d'autre avec moi dans son acte, je le laisse avec son association. Donc de là, on sait que nos actes doivent être faits sincèrement pour Allah Azza wa Jal, qu'il ne doit pas y avoir d'associationnisme dedans, ni de ostentation, ne le faire pour que les gens disent « Flan, il fait » ou « Là ». ثم علم أن من العبادة ما جاء مجملا في القرآن وبينته السنة كالصلاة والزكاة، فالسنة بينت أوقات الصلاة وعددها وركوعها وسجودها وذكر كل من القيام والقعود والركوع والسجود والاعتدال والتحريم والتحليل والفرض والنفل. والزكاة قد بينت السنة أنصباءها ومقاديرها وأجناس ما تجب فيه ومتى يجب وكيف يجب. ما يلفو صفار السي الشيخ دو ندير Il faut savoir que l'adoration, son général et les ordres concernant les ordres généraux de l'adoration sont dans le Coran. Mais la sunna du prophète alayhi sallam est venue pour détailler ce général qui est dans le Coran. Comme la prière par exemple, tout ce qui concerne la prière au niveau de sa sunna, au niveau du ruku, sujud, etc., nous ne l'avons pas dans le Coran, mais il est détaillé dans la sunna, dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam. En ce qui concerne la zakat, la même chose. Donc la sunna du prophète alayhi sallam nous a éclairé sur les horaires, à quel moment il faut accomplir sa prière, le nombre qu'il faut ramener dans les raka'at, le sujoud, le ruku', les invocations qu'il faut avoir quand on est debout, les invocations qu'on doit faire quand on est dans le roko, ou là qu'on est dans le sujoud, dans les prosternations, ou là dans la genuflexion. Hein? Ce qui est interdit dans la prière, ce qui est interdit, ce qui est autorisé dans la prière, les obligations de la prière, les choses surrogatoires de la prière. Il en est de même pour zakat. La sunna nous a montré les quotas duquel il faut sortir zakat, les espèces aussi, de quelle famille il faut la sortir, à quel moment il faut la sortir, quand il faut la sortir, etc. Et à qui la donner. ومنها ما بينه القرآن أعظم بيان كالتوحيد. فقد بين القرآن قضية التوحيد أعظم بيان. فالأدلة على إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لتفرده بالكمال دون سواه وضعف الآلهة المعبودة وعجزها إلى غير ذلك كلها أدلة على التوحيد. إيا دي شوز سور القرآن يا بوكو ديتاي نوتامو لو مونوتيسم. القرآن نوزا إكليغي Il a détaillé tout ce qui concerne le monothéisme. Le plus grand éclaircissement sur le monothéisme se trouve dans le Coran. Le fait de réserver le culte à Allah Azza wa Jalla exclusivement, il est dans le Coran. Le fait de reconnaître, de savoir ce que c'est que la grandeur de Allah Azza wa Jalla, la puissance dans le Coran, il est cité dans le Coran. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité ses noms et ses attributs. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi décrit la faiblesse et la bassesse dans laquelle se trouve tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et l'incapacité de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et tout ça, ce sont des preuves du monothéisme qu'il y a dans le Coran. Ils sont un détail énorme du monothéisme et de son contraire, l'association dans le Coran. ومن أنواع العبادة ما بينت السنة ولم يذكر في القرآن كقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع والحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها ربها ويما رجل ضاف قوما فلم يقروا فإن له أن يعقبهم بمثل قراه Et il fait partie aussi des actes d'adoration, ce qui a été éclairé tout simplement dans la sunna. Ce qu'on trouve que dans la sunna. Ça n'a pas été cité dans le Coran, mais c'est cité dans la sunna du prophète, alayhi sallam. Comme ce qui est rapporté dans ce hadith, qui est dans Sunan Abi Daoud, qui est un hadith authentique. Le Rasoul sallallahu alayhi sallam dit dans ce hadith, il n'est pas permis de manger tout animal qui a des crocs. Qu'est-ce que vous appelez ces dents-là? Comment on les appelle? Des canines. Tout ce qu'il y a, tout animal qui a des canines parmi les fauves. Il n'est pas permis de manger l'âne domestique. L'âne qui vit avec les gens, hein, pas le zèbre, hein, mais l'âne qui est domestique, il n'est pas permis. Il n'est pas permis non plus de. Quand on par exemple, on a des gens qui sont rentrés avec des contrats au Maroc ou là dans un pays, on a ce qu'on appelle le Mu'ahad, qui a reçu un pacte du gouverneur, il est rentré ou là il est rentré sur le pacte de quelqu'un. Ben, si on trouve quelque chose qui lui est tombé, il faut lui rendre. On ne peut pas l'utiliser tant que lui, il ne la veut plus. Hein? Et ça fait partie des choses qu'il y a dans ce hadith qui ne sont pas citées dans le Coran. Mais où les trouve, où les ont trouvé les hommes de science? Dans l'authentique de la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. C'est pour ça qu'on ne peut pas se suffire tout simplement du Coran. On a besoin du Coran et de la sunna avec le Coran. Ils vont de pair. On ne peut pas les dissocier. وبالجملة فإن أنواع العبادة منها ما بينه القرآن ومنها ما ذكره القرآن مجملا وبينت السنة ومنها ما بينت السنة فلا يجوز أن نأخذ العبادة من القرآن وحده ولا من السنة وحدها فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج ضل ومن أخذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك أحدها أو حكم العقل فيها كالمعتزلة ضل ومذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت متواترة أو آحادا لما كانت العبادة هي مجموعة الأوامر والنواهي من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات كانت لابد أن تكون مرتبطة بالاستطاعة وبالأخص فعل الأوامر فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب أخرجه البخاري رحمة الله عليه أما الطرق وهي المنهيات فلكون الترك لا يشق لذلك فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا كما في الحديث الصحيح ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من أئمة الدين رحمة الله على أئمة المسلمين en général tous les actes d'adoration fait partie des actes d'adoration, des actes que nous avons dans le Coran. Le Coran nous a éclairé dessus. Il fait partie des actes d'adoration, des actes qui ont été cités dans le Coran en général, sans détail. Leur détail est venu dans la sunna. Donc, il n'est pas permis de prendre dans notre adoration tout simplement du Coran uniquement, ni de l'apprendre tout simplement de la Sunna uniquement. Celui qui prend le Coran tout seul, sans la Sunna, il a la même réaction que le Khawarij. Il s'égare. Il a la même réaction que le Khawarij, dont les poussins sont les tkfiriyin du monde moderne maintenant. Hein? Et celui qui prend le Coran et le mutawatir min as-sunnah, c'est celui qui est rapporté par un grand nombre de personnes à chaque stade de la chaîne de transmission. Au minimum, 4 ou 5. Et que ce grand nombre, c'est impossible qu'il soit des menteurs. Donc ça, c'est le mutawatir. Et celui qui prend ce genre de hadith qui est rapporté par un grand nombre dans les chaînes de transmission, parce qu'on appelle le mutawatir, et qui délaisse ce qui est rapporté, ce qu'on appelle ahad, qui est un hadith rapporté par une personne ou deux personnes, au maximum jusqu'à quatre. Et en tous les cas, pas moins de 10. Hein? Ben celui-là, qui ne met pas en application, hein, les hadiths d'Al-Ahad, ou là qui met au-devant de la sunna du prophète et des textes la raison, celui-là, sa réaction, il est la même que la réaction de l'Mu'tazila. L'Mu'tazila, leur poussin actuellement, c'est l'école de la raison. Et cette caractéristique, on la trouve beaucoup, c'est les théoriciens et les leaders d'Yal, les Khouel Mouflissoun. Donc là aussi, si la personne prend que les hadiths mutawatir, il les met en application, il les met de côté l'ahad, ben il a pris la voie de l'égarement et la voie. Hein. Ici, il met sa raison avant les textes, en agissant, en mettant de côté ahadith al-ahad, et en mettant la raison en avant devant les textes, il a la même réaction que le Mu'tazila. Leur poussin actuellement, c'est l'école de la raison, et cette école est représentée par le plus grand nombre d'Ikhwan, par leurs théoriciens, leurs leaders, etc., leurs penseurs, leurs écrivains, etc. Et la voix des puiseurs d'Allah alim, la voix des gens de la Sunna, et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, c'est de mettre en application le livre d'Allah Azzawajal et l'authentique de la Sunna du prophète alayhi, que ce soit les hadiths ahad ou mutawatir. Les deux, ils les mettent en application, du moment qu'ils sont authentiques. Et là, il y a une grande différence. Et comme l'adoration, c'est un ensemble d'ordres et d'interdits, et d'un ensemble d'obligations et de choses qu'il faut faire et qu'il ne peut pas faire, et d'un ensemble d'actes qui est autorisé de faire ou là qui est détestable de faire, il est obligatoire qu'il y ait lié à la capacité de la personne. Surtout en ce qui concerne le fait de mettre en application les ordres d'Allah Azzawajal. Car Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Cette religion est une largesse, est une clémence pour l'humanité. Et il est dit dans un verset, dans Sourate Al-Baqarah, préservez les droits d'Allah Azzawajal selon vos capacités. Les gens dont leur capacité à mettre en application ne sont pas égaux. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans une autre citation, il n'impose pas aux personnes ce qu'ils ne peuvent pas faire. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, il dit à Amran ibn Hassin, prie debout, si tu ne peux pas assis, si tu ne peux pas sur le côté. Hein? Donc les ordres, c'est selon les capacités. On peut ou là, on ne peut pas. Si on peut, on met. Si on ne peut pas, c'est allégé. Hein? Quant au fait de s'abstenir, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de ne pas faire, ce que le prophète nous a ordonné de ne pas faire, et si comme ce n'est pas difficile pour les personnes, tout le monde doit s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit et ce qu'a interdit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, dit, ce que je vous ordonne, faites selon vos capacités. Faites ce que vous pouvez. Et ce que je vous interdis, abstenez-vous. Abstinence dans l'interdit. Parce que là, s'arrêter de ne pas faire, on est tous égaux devant. Mais faire, on n'a pas les mêmes capacités. Il y a des personnes qui sont capables de jeûner les 3 jours du mois lunaire. D'autres, ils sont capables de mettre en application le jeûne de Daoud alayhi salam. D'autres sont capables de faire 11 rak'at toutes les nuits, toute l'année. Et il y a certaines personnes, des fois ils peuvent, des fois ils ne peuvent pas. Et ainsi de suite. D'autres ont les moyens pour dépenser plus. D'autres n'ont pas les moyens. Et ainsi de suite. Donc la mise en application, ça c'est. Et chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il lui a donné, l'ouverture qu'il lui a fait, et la voie qu'il lui a ouverte dans le bien. Des hommes sont allés vers l'imam Malik, rahmatullah alayhi, dit, ya imam, on voit que tu ne fais pas beaucoup de prières surrogatoires, et ceci, et cela. Il a dit, c'est le destin d'Allah. Moi, Allah, subhanahu wa ta'ala, il m'a ouvert la porte de la science. Donc, j'agresse Allah, subhanahu wa ta'ala, cette porte qu'il m'a ouverte. Et il y a des gens à qui il a ouvert la porte de la prière, d'autres il a ouvert la porte de l'aumône, et ainsi de suite. C'est un bienfait, min Allah, azza wa jal. Et tout un chacun est facilité vers la voie, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Il œuvre dans le sens où il a l'aisance, il a facilité ce que Allah subhanahu wa ta'ala, la chose avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Il fait les choses que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la capacité de faire. فهذا الباب الباب الثاني الذي عقده الشيخ النجمي حفظه الله تعالى هو في بيان العبادة التي أوجد الله سبحانه وتعالى الجن والإنس من أجلها والذي نستفيده من هذا الباب أن العبادة ما أمر الله به وهي مجموعة من التكاليف الشرعية وما نهى عنه ولها 3 شروط الإيمان وهي أنه لا بد للإنسان أن يكون مؤمنا موحدا فهي لا تصح من الكافر ومن المشرك ثانيا الإخلاص وهي لا بد أن يكون الإنسان مخلصا في عبادته لله سبحانه وتعالى يريد بذلك وجه الله ويرجو ثواب الله ثالثا أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن يكون الإنسان متبعا فيها لمحمد عليه الصلاة والسلام فمن حقق هذه الشروط 3 صحت عبادته وقبلت إن شاء الله وهي أن يكون مؤمنا موحدا مخلصا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ففيها التوحيد والإخلاص لا بد منه. Donc ce 2e chapitre, dans le livre de Cheikh Ahmed, de son éminence, Cheikh Ahmed Najmi Hafidhahullah Ta'ala, c'est un chapitre qui nous éclaire sur l'adoration. Quoi, l'adoration, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Que c'est le devoir qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala prioritaire des génies et des humains. Ils doivent tous réserver leur culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'ils ont été créés. Et ce qu'on retient de ce chapitre, c'est que l'adoration, c'est un ensemble d'ordres, de choses qu'il faut faire et de choses qu'il ne peut pas faire, qu'on nous a ordonné Allah Azza wa Jal. Hein? Mais cette adoration a 3 conditions pour qu'il soit accepté par Allah Azza wa Jal. D'abord, il lui faut la foi. Il faut que les actes émanent de quelqu'un qui croit en Allah Azza wa Jal. Car toute forme d'acte d'adoration n'est pas acceptée d'un mécréant ou d'un associateur. Deuxièmement, il faut que l'acte soit fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal, qu'on ne fasse pas d'associer Allah Azza wa Jal dans notre acte, qu'on ne cherche pas l'ostentation, qu'on ne cherche pas le condirat-on, etc. Qu'on veuille avec notre acte la récompense min Allah Azza wa Jal. Troisièmement, il faut que notre acte d'adoration il soit conforme aux directives du prophète alayhi salatu wassalam. Il va de pair avec le rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Que dans notre façon de faire notre acte, que nous suivons les directives et les orientations de Muhammad alayhi salatu wassalam concernant cet acte. Ça veut dire le suivi. Hein? Suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui accomplit ces trois conditions dans son adoration est valide, inshallah. Il sera accepté min Allah Azza wa Jal, inshallah. Qu'il soit unificateur, monothéiste, hein, et dans son acte sincère pour Allah, et dans le suivi du prophète, alayhi salam, et il est dit à la fin, il y a la citation à la fin de Surat al-Kahf, celui qui espère la rencontre d'Allah, Azza wa Jal, qu'il fasse une bonne œuvre. La bonne œuvre, ici, le suivi, la condition du suivi. Et qu'il ne fasse aucun associé à Allah, Azza wa Jal. Ici, la sincérité. Donc, nos actes doivent être dans la sincérité et dans le suivi. وعقد الشيخ حفظه الله تعالى الباب الثالث وعنون له أن الرسل هم الأدلاء على الله عز وجل. Et le troisième chapitre du livre, Cheikh lui a donné ce titre. C'est-à-dire les prophètes, les messagers عليهم الصلاة والسلام, ce sont eux les guides vers Allah عز وجل. بمعنى أن من أراد أن يصل إلى رضوان الله يجب عليه أن يسلك طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا يمكن أن تصل إلى رضوان الله ولا يمكن أن تصل إلى رحمة الله وإلى دار السلام وإلى محبة الله سبحانه وتعالى إن لم تتخذ طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc ce titre par lequel Cheikh veut nous dire comme quoi on ne peut pas arriver à l'agrément de Allah Azza wa Jal et à l'amour de Allah Azza wa Jal et la grande récompense من الله عز وجل sauf si on suit les messagers alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucun chemin qui peut nous ramener vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal et vers l'amour d'Allah Azza wa Jal que le chemin des prophètes et des messagers alayhi salatu. C'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. خلق الله آدم في الجنة من قبضة قبضها من الأرض وخلق منه زوجه حواء وأباح له الأكل من جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة نهاه عنها وحذره من أكلها ولكن لم يكن عدو إبليس ليتركه وقد لعن وطرد من الجنة بسببه فذلاه بغرور وأقسم له إنه له لمن الناصحين وزعم أن من أكل من الشجرة التي نهاه عنها ربه يخلد فلا يموت ويكون ملكا فانساق بالطمع في الخلد وأكل من تلك الشجرة هو وزوجته فبدت لهما سوآتهما وعلما أنهما قد عصيا ربهما فندما وتابا فتاب الله عليهما وأهبطهما إلى الأرض كما قد أهبط إبليس قبلهما ليتم الابتلاء على هذه الأرض بعد أن أراهما عداوة إبليس وحرصه على إهلاكهما حين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Cheikh de nous dire dans ce chapitre que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam au paradis d'une poignée de terre. Il a créé la sortie de lui son épouse qui est Hawa. Et il lui a permis de manger de tous les arbres qu'il y a au paradis, sauf à l'exception d'un seul arbre. Il lui a interdit de toucher à cet arbre. Il l'a averti contre le fait de manger de cet arbre. Mais Iblis, son ennemi, ne pouvait pas le laisser ainsi. Après qu'il a reçu la malédiction min Allah Azza wa Jal, qu'il était sachet du paradis, il l'a orienté vers le fait de désobéir à Allah Azza wa Jal, en prenant le prétexte comme quoi il veut son bien. Tu as déjà vu quelqu'un qui veut te faire dévier de la voie, ou là qui veut te faire t'amener vers un chemin, te dire que je t'emmène vers le mal? Jamais. Mais tout si on te conseille, c'est le bon conseil, c'est le meilleur des chemins. La même chose. Ça, c'est une règle Iblis. C'est une règle d'Iblis. Je suis pour toi un conseiller. Et tous ceux qui t'entourent et qui veulent te sortir de la voie de tes puissances, la même chose. Nous sommes pour toi. Nous te ramenons des conseils. Nous voulons ton bien. Et Iblis a prétendu que celui qui mange de cet arbre, duquel Allah subhanahu wa ta'ala l'aura interdit, il sera éternel. Il ne mourra pas, il sera un ange. Et Adam, alayhi salatu wassalam, il avait envie d'être éternel. Et il a mangé de cet arbre ainsi que sa femme, Hawa. Quand ils ont mangé de l'arbre, ils ont été dénudés. Et là, ils ont compris qu'ils ont désobéi à Allah, azza wa jal. Ils ont regretté. Ils se sont repentis. Allah, subhanahu wa ta'ala, a accepté leur repentir. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, les a descendus du paradis vers la terre. Comme il a descendu Iblis avant eux, pour que l'épreuve soit complète sur cette terre. Mais avant de le descendre, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a montré comme quoi Iblis est le plus grand des ennemis, qu'il faut qu'il le prenne comme ennemi. Et que Iblis, il ne cherche que la perte de la descendance d'Adam et de sa descendance. Cette citation dans Sourate Al-Baqarah, où Iblis dit, par ta puissance, en s'adressant à Allah, je vais les détourner tous, sauf tes serviteurs, à qui tu as donné la sincérité. Les élus d'Allah, Azza wa Jal. Ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'ils soient sincères, il les a accomplis dans l'adoration, dans la sincérité, etc. Cela, Iblis, il ne peut rien. Et la citation de continue dit, et Iblis, les shaitan, les a orientés. Et il les a sortis du bienfait dans lequel ils étaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à tout le monde, descendez les uns pour les autres, vous êtes des ennemis. Et vous avez une demeure sur terre, et vous allez être sur terre jusqu'à un terme bien défini. Adam a reçu de son Seigneur quelques paroles. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Il lui a pris comment il doit demander le pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala est descendu tous. S'il vous arrive des messagers, et des messages de ma part, celui qui suit les messagers, il n'aura pas à avoir peur ni à être attristé. Allez-y sur terre. C'est votre épreuve. Vous allez être dessus. Mais vous allez recevoir des messagers. Et celui qui répond aux messagers, il n'a pas à avoir peur ni à être attristé. Ni à être malheureux non plus. وفي آية أخرى قال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Et dans sourate Taha, cette citation leur dit descendez tous les uns pour les autres, vous êtes des ennemis et il va vous arriver des messagers et des prophètes, celui qui les suit, il ne sera pas égaré, il ne sera pas non plus malheureux. Et celui qui se détourne de mon rappel, il aura une vie pénible. Et le jour de la résurrection, il va être ressuscité aveugle. Et il dira, Seigneur, pourquoi je suis ressuscité aveugle alors qu'auparavant, j'étais voyant? Et la réponse lui sera faite ainsi. Ainsi, quand nos signes, nos versets te sont arrivés, tu les as oubliés. Et ainsi nous remercions celui qui a été mauvais dans sa situation et celui qui ne croit pas en les signes d'Allah, Azza wa Jal, et le châtiment de l'Oda est encore pire et éternel. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آية البقرة يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة والمراد الذرية أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات البيان وقال مقاتل الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحسن الهدى القرآن وهذان قولان صحيحان وقول أبو العالية أعم ابن كثير رحمة الله عليه dans l'interprétation de ce verset de la sourate البقرة il dit hein, nous annonçons en parlant de l'avertissement qu'a reçu Adam ainsi que sa femme ainsi que Iblis contre Allah subhanahu wa ta'ala les a descendus du paradis et ce qui est voulu avec la descendance d'Adam aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur descendre des livres et va envoyer des prophètes et des messagers. Comme il a dit Abu al-Aliya, le Huda, les prophètes et les messagers et les éclaircissements et, hein, qui sont arrivés min Allah azza wa jalla. Muqatil dit le Huda, Muhammad alayhi salatu wassalam. Ça va dans le même sens. Les prophètes ou les messagers, Muhammad alayhi salatu wassalam fait partie des prophètes et des messagers. قال الحسن البصري الحسن البصري رحمه الله يدي الهدى القرآن il dit c'est des paroles qui sont authentiques mais la parole la plus complète étant c'est la parole d'un Abu al-Aliya qui a dit الهدى c'est les prophètes et les éclaircissements et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme livre au messager alayhi salatu wassalam فمن اتبع هداي أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى celui qui suit ma guide qui suit les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam c'est-à-dire il a accouru il a mis en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu comme livre sur les messagers alayhi salatu wassalam ceux-là qu'est-ce qu'ils ont ils n'ont pas à avoir peur dans ce qui va arriver pour le delà ils n'ont pas à avoir peur en ce qui concerne la situation de le delà ils n'ont pas à être tristés pour ce qu'ils n'ont pas eu dans ce bas monde hein? Parce qu'ils vont avoir mieux là-bas hein? Et dans Surah Taha, il est dit, descendez tous, les uns pour les autres, vous êtes des ennemis. Et il va vous arriver des prophètes et des messagers et des éclaircissements. Celui qui les suit, il ne sera ni égaré, ni attristé, ni malheureux. Qala ibn Abbas radiallahu anhuma, fala yadillu fi dunya, wala yashqa fi l'akhirah. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كما قالها هنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص انتهى من تفسير ابن كثير رحمة الله عليه ce qui concerne ce verset ابن عباس رضي الله تعالى عنهما dans ce qu'on rapporte ابن كثير dans le premier tome il dit il ne s'égare pas dans ce bas monde Il ne sera pas attristé dans le delà, ni malheureux dans le delà. Et celui qui se détourne du signe d'Allah Azza wa Jal et de la révélation d'Allah Azza wa Jal, celui-là, il aura une mauvaise vie, une vie pénible ici. Et le jour de la résurrection, il sera ressuscité aveugle. Comme il est dit dans l'autre citation, dit Ibn Kathir rahmatullah alayh, ceux qui ont mécru et démenti nos versets, ceux-là, ce sont les gens de l'enfer dans lequel ils vont être éternels. Ah, ils vont être éternels le feu de l'enfer, ils n'auront aucune issue. فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ جَاءَ الْخِطَابُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ اهْبِطُوا وَفِي سُورَةِ طَهَا بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ اهْبِطَ فَالْجَوَابُ الْخِطَابُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ لِآدَمَ وَحَوَّاءَ وَإِبْلِيسَ وَفِي سُورَةِ طَهَا لِآدَمَ وَإِبْلِيسَ فَقَطْ C'est jamais on dit. Quelqu'un dit Pourquoi dans le discours, dans Surat al-Baqarah, le verbe qui a été employé « descendez » au pluriel. Et dans Surat Taha, le pronom qui a été employé, c'est le duel. Il s'adresse à deux personnes. Hein? La réponse est très simple. Le discours dans Surat al-Baqarah, il concerne Adam, Hawa et Iblis. Quant à dans Surat Taha, le discours, l'ordre ne concerne que Adam et Hawa. Que Adam et Iblis. Tout simplement. وقال في صفوة الآثار والمفاهيم للشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمة الله على أئمة المسلمين معلقا على هذه الآيات في سورة البقرة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأعظم الاعتبارات في هذه الدور هو أن الإنسان سيد هذه الأرض ومن أجله خلق الله كل شيء فيها وهو إذا أحسن التصرف في الخلافة الإلهية باتباعه وحي الله فهو أعز وأكبر وأغلى عند الله من جميع الدنيا وما فيها وقيمته عند الله أعظم فلا يجوز له أن يستعبد نفسه ويستدلها لغاية مادية أو رغبة في شهوة حيوانية يخون بها عهد الله أولا وينزل بها إلى غاية السقوط وهو لا يشعر لما ران على قلبه من ظلمات المادة والشهوة والهوى فدوره في هذه الأرض دور القيادة والتوجيه التي يستلهم أنظمتها من السماء لا مصدر آخر في الأرض كما قال تعالى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دونكي Cheikh Ahmed Najmi Hafidhahu Allah Ta'ala cite un passage du livre de Abd al-Rahman Dawsari Rahmatullah Alayh dans Sufwat al-Athar ou al-Mafahim qui est un passage qui est en quelque sorte le commentaire pour ce verset. Nous avons dit descendu tous et il va vous arriver des messagers et des prophètes, celui qui les suit. Il n'aura pas à avoir peur ni à être attristé. Cheikh Tawsari rahmatullah alayhi, dans ce qu'a cité Cheikh Ahmed Hafidhahullah Ta'ala, il dit la plus grande déconsidération dans ces maisons, c'est que l'être humain, c'est le maître de la terre. Et c'est pour lui que Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses. Et s'il est bon dans son comportement et dans sa façon d'agir, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sous sa tutelle, en suivant la révélation min Allah azza wa jal, il sera le plus noble et le plus grand. Il sera la chose la plus importante chez Allah azza wa jal. Il sera plus important chez Allah azza wa jal. Quand il suit les ordres d'Allah azza wa jal, il met en application la révélation d'Allah azza wa jal, il sera plus important que toute chose que contient ce monde. C'est pour ça, il dit, Cheikh Rahmatullah alayh, il n'est pas permis à l'être humain de se soumettre et de s'avilir pour un but matériel ou pour un désir bestial avec lequel il va trahir le pacte qu'il a fait avec Allah Azza wa Jalla en premier, et avec lequel il va descendre au plus bas degré, alors qu'il ne le sente même pas comme, parce que le voile est jeté sur son cœur. Le voile et les ténèbres du matériel et du plaisir et des passions est jeté sur son cœur. Donc son rôle dans cette terre, c'est un rôle de commandant et d'orientation. Ce commandement et cette orientation, l'être humain doit les extraire et doit les prendre d'où ? De la révélation d'Allah Azza wa Jal. Pour qu'il puisse accomplir ce que veut de lui Allah Azza wa Jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui suit ma guidée, celui qui suit les prophètes alayhi wa sallam, il n'aura pas à avoir peur ni à être attristé. Dans l'autre verset, il dit, ô descendance d'Adam, quand vous arriveront des prophètes alayhi wa sallam qui vont vous compter mes versets, celui qui préserve les droits d'Allah Azza wa Jal et qui fait bien, celui-là, il aura à ne pas avoir peur. Il ne sera pas attristé. Et ceux qui démontent les versets d'Allah Azza wa Jal et que l'orgueil les prend devant les ordres d'Allah Azza wa Jal, les versets d'Allah Azza wa Jal, ceux-là, ce sont les gens de l'enfer. Et ils seront éternels au feu de l'enfer. Il y a un politicien français, une visite en Arabie Saoudite, et dans une réunion avec certains hommes politiques saoudiens, il y a un prince, il a dit à cet homme politique qui est très connu en France. Il lui a dit, le prince lui a dit, vous n'avez pas le droit de légiférer. La législation appartient à Allah Azza wa Jal. Cet homme politicien, voilà ce qu'il a. Le but c'est là. Pour revenir à ce verset d'Allah Azza wa Jal, ceux qui s'enorgueillent. Il a dit sur un plateau de télévision, vous imaginez, il me dit qu'on n'a pas le droit de légiférer, que la législation appartient à Dieu. Regardez maintenant, celui, le prince qui est soumis à Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas le droit de légiférer. Regardez celui qui suit ses passions et son orgueil. On n'a pas le... Comme s'il dit, oh, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Vous voyez un petit peu la différence entre quelqu'un qui est guidé par sa soumission à Allah Azza wa Jal et quelqu'un qui est laissé libre à lui-même et à ses passions et à son orgueil. Dans la différence. فأخبر في هاتين الآيتين أنه سيرسل رسلا من بني آدم وأن من آمن بهؤلاء الرسل نجا من العذاب ومن كذبهم واستكبر عن قبول ما جاءوا به فسيعذبه الله في نار جهنم يبقى فيها خالدا مخلدا وفي كتاب الإمارة من صحيح مسلم عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر والشاهد منه قوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. Et donc dans ces deux versets que Cheikh a cités, il est dit dedans qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des messagers alayhi salatu wassalam à la descendance d'Adam. Et celui qui croit en ces messagers alayhi salatu wassalam, il va être sauvé du feu de l'enfer et du châtiment. Et celui qui les démons et qui ne croit pas en eux, et qui s'enorgueille, et qui ne veut pas accepter la vérité par orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier dans le feu de l'enfer et il restera éternel. Et dans le livre d'Al-Imara, Sahih Muslim, Zayd ibn Wahb nous rapporte d'Abdurrahman ibn Abdurrabb al-Ka'ba, je suis rentré un jour à la mosquée et Abdullah ibn Omar est assis à l'ombre d'Al-Ka'ba. Et les gens sont autour de lui, réunis autour de lui. Et je me suis assis. Et Omar, et Abdullah ibn Omar a dit, nous étions avec le prophète alayhi salatu wassalam pendant un voyage. Et chacun de nous est parti, quand ils sont arrivés au campement, chacun de nous est vaqué à ses besoins. Parmi eux, ceux qui réparent les selles de leur monture, ou là qui réparent leurs chaussures. Parmi eux, ceux qui sont partis avec le troupeau vers la transhumance, vers les aires de pâturage. Et tout d'un coup, un annonciateur du prophète alayhi salam se lève et dit, la prière, réunissez-vous pour la prière. Ils se sont réunis auprès du prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam leur a dit, que chaque prophète qui est passé avant lui, il était de son devoir de montrer à sa communauté tout bien qu'il connaît pour eux. Il était de son devoir, chaque prophète qui y passait, son devoir était d'orienter, de dire tout le bien qu'il connaissait pour sa communauté. Et de ne rien omettre, et de ne rien oublier, de tout transmettre. Et ainsi ils ont fait, salawat rabbi wa salamu alayhi. Et il était de leur devoir aussi d'avertir chaque communauté, leur communauté de tout mal qu'ils connaissent. Tout mal. Les messagers alayhi salam ont averti leur communauté du bien qu'ils connaissent pour eux et du mal qu'ils connaissent aussi pour eux. Ainsi ils ont fait. Et notre prophète l'a fait au sens large du terme. Alayhi salam. Il a dit, votre communauté, celle-ci, son bien, il est dans son début. Son bien, il est à son début. Et il va arriver de grandes épreuves à cette communauté, à la fin de cette communauté. À tel point, vous n'allez pas reconnaître certaines choses qui se passent dans la communauté. On est dedans. Et ça aussi, cette phrase prouve la véracité de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il dit, tellement des perturbations et des choses vont arriver que le cœur du croyant va être, va avoir peur, le croyant va avoir peur, il a dit, celle-là, ça va être ma perte. Chaque fois qu'il y a une fitna qui arrive, le croyant lui dit, c'est celle-là dans laquelle je vais périr. Et il se dissipe, et arrive l'autre, et ainsi de suite. Et chaque fois qu'il y a une perturbation, et une épreuve, il dit, c'est celle-là. Une catastrophe, c'est celle-là dans laquelle je vais trouver ma perte. Il dit, celui qui veut et détourner du feu et rentrer au paradis, que la mort le trouve, quand l'ange de la mort vient prendre son âme, quand son terme vient, qu'il soit croyant en Allah Azza wa Jal et en l'au-delà. Et qu'il fasse aux gens ce qu'il veut ce qu'il aime que les gens lui fassent. Hein? Qu'il faut, tu veux que les gens soient doux avec toi, soient bien avec toi, il faut que tu sois bien avec eux. Et celui qui fait l'allégeance à l'un de ses imams, qu'il lui obéisse tant qu'il peut. Et si un autre vient concurrencer cet imam à lequel il a donné l'allégeance, il combat sur le dernier qui est arrivé. Le témoignage dans ce hadith, c'est que chaque prophète, avant moi, dit le prophète, il était de son devoir d'avertir et d'orienter sa communauté sur tout le bien, de leur dire tout le bien qu'il leur connaît, et de les orienter vers tout le bien qu'il leur connaît. Dire que le prophète, par cette phrase de notre prophète, ont tout transmis à leur communauté. Tout le bien qu'ils connaissent pour leur communauté, ils l'ont transmis. Et tout le mal qu'ils connaissent pour leur communauté, ils les ont avertis contre. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, l'a fait au sens large du terme. Au mieux. Au fi kitab al-i'tisam min sahih al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, yaqulu alayhi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulallah, qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Et dans le livre de l'i'tisam de l'antique d'Al Bukhari, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté rentrera au paradis, sauf ceux qui obéissent, qui ne le veulent pas. Et qui ne le voudrait pas, ya Rasulallah? Il a dit, ceux qui m'obéissent rentreront au paradis. Et ceux qui me désobéissent ont refusé d'y rentrer. C'est-à-dire que l'agrément de Allah, azza wa jalla, tu l'as dans l'obéissance à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et dans le suivi du prophète alayhi wa sallam. وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. وفيه أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بنحوه بلفظ كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. وسكت عنه الحاكم والذهبي إلا أن الحاكم اعتبره شاهدا للحديث قبله. ذو المستدرك ديال الحاكم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه il le attribue directement au prophète alayhi salatu wassalam, dit vous allez rentrer au paradis sauf ceux qui le veulent pas, et sauf ceux qui se sauvent comme se sauve le chameau. Quand le chameau se sauve de son propriétaire, il va dans tous les sens, il s'éloigne très très loin pour le rattraper, hein. Et aussi dans le hadith d'Abi Umama chez Al-Hakim aussi radiyallahu anhu, une autre expression qui dit tous vous allez rentrer au paradis sauf ceux qui se sauvent d'Allah Azza wa Jal, s'ils se sauvent des ordres d'Allah Azza wa Jal, qui vont dans tous les autres sens comme fait le chameau. Il Hakim situe sur ce hadith ainsi que Dhabi, sauf le Hakim, il a considéré que ce hadith est un témoignage pour l'autre hadith. L'autre fois a complètement perturbé. ولما كانت العقول قاصرة عن معرفة مصالحها الدنيوية والأخروية الحاضرة منها والمستقبلة، وإن عرفت شيئا من الأمور الحاضرة فهي لا تعرف عاقبته ومعرفة ذلك إلى الله وحده. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمهم أن العقول وإن زعمت أنها تعرف شيئا من مصالحها الدنيوية فهي لا تعلم عاقبته، أما المصالح الأخروية والمتوقعة في الدنيا فهي لا تعلم عنها شيئا. لذلك فإن الله من رحمته بعباده أرسل رسلا يرشدونهم إلى المصالح الحاضرة والمستقبلة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وينذرونهم من العواقب الوخيمة والمضار الحاضرة والمستقبلة في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة. فمن أطاع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أحرز مصالح الدنيا والآخرة ودفع عن نفسه مضار الدنيا والآخرة. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشيخ de nous dire comme les raisons sont limitées pour connaître ce qui va faire leur bien dans ce bas monde et dans l'au-delà, dans ce qui est futur et dans ce qui est présent, même s'ils connaissent quelque chose de la situation présente, ils ne savent pas vers où ça va les amener. Même s'ils savent sur une situation présente quelque chose, ils ne savent pas vers où ça va finir. Où ça va finir. Mais tout sa connaissance revient à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, dans des situations, il dit, peut-être que vous allez aimer une chose, vous allez détester une chose, qu'alors que cette chose est bonne pour vous. Vous allez aimer quelque chose et il est mauvaise pour vous. Sauf Allah sait. Et vous ne savez pas. On aime quelque chose. Cette chose, il y a un mal dedans. On déteste quelque chose. On déteste une situation. Et dans cette situation, il y a notre bien. Mais ça, qui le sait? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Et nous, on ne le sait pas. L'essentiel, c'est que les raisons, même s'ils prétendent qu'ils connaissent leur intérêt dans ce bas monde, ils ne savent pas le but final de cet intérêt. Ils ne connaissent pas le but final de l'homme. Quant aux intérêts dans le delà et ce qui va arriver dans le futur, dans ce bas monde, il ne sait rien du tout de tout ça. La raison ne sait rien du tout de tout ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala, sa clémence fait partie de sa clémence qu'il a envoyé des messagers alayhi salatu wassalam pour orienter les gens à leur intérêt présent et à leur intérêt futur. À leur intérêt présent dans ce bas-monde, et à leur intérêt présent dans ce bas-monde, et à leur intérêt futur qui est le berzakh, qui est un monde entre ce bas-monde et le delà. Et à leur intérêt dans le delà. Et pour les avertir contre les mauvaises fins et contre leurs mauvais actes. Et pour les attirer leur attention sur le mal présent et sur le mal futur, que ce soit dans ce bas monde, ou là dans le delà, ou là dans le berzakh, ce monde intermédiaire entre l'au-delà et ce bas monde. Celui qui obéit au messager alayhi salatu wassalam, il a obtenu les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Et il a repoussé de lui le mal de ce bas monde et dans l'au-delà. Et il est des citations qu'a citées Cheikh ici, par le temps, l'espèce humaine est en perdition, ils sont tous en perdition. Exception faite à ceux qui ont cru, fait bonne œuvre, et se sont conseillés mutuellement la vérité, et se sont conseillés mutuellement l'endurance et la patience. فهذا الباب الثالث عقده الشيخ رحمة الله عليه لكي يبين لنا أن الأدلاء على الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بمعنى أنه من أراد أن يصل إلى رضوان الله يجب عليه أن يسلك طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. Ce troisième chapitre, Cheikh Rahmatullah alayhi wa hafidhahullah ta'ala, il l'a fait pour nous orienter, pour nous montrer comme quoi le seul chemin qui va nous amener à l'agrément d'Allah Azza wa Jal, les seuls guides sur ce chemin, ce sont les prophètes alayhi salatu wassalam. Pour pouvoir arriver à l'agrément d'Allah Azza wa Jal, il y a la récompense chez Allah Azza wa Jal, il y a l'amour d'Allah Azza wa Jal, il faut prendre le chemin des prophètes alayhi salatu wassalam. فنأتي إلى الباب الرابع وعنوان له الشيخ حفظه الله تعالى في ضمانة النجاة. Le quatrième chapitre, Cheikh حفظه الله تعالى dit de suite, comment se garantir le fait d'être sauvé. وهذا مهم جدا. متى ينجو الإنسان؟ ما هو الطريق إلى النجاة؟ لأن الذي أمام الإنسان إما جنة عرضها السماوات والأرض وإما نار تلظى وكيف ينجو الإنسان ولا نجاة إلا في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه قضية عظيمة متى ينجو الإنسان وبأي طريقة ينجو ولا نجاة له إلا أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. Donc ce chapitre est un chapitre très important aussi, se garantir le fait d'être sauvé. Comment je vais être sauvé? C'est quoi la voie qui m'a amené à être sauvé et à être dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal? Quand est-ce que je suis dans la voie qui me sauve du châtiment et qui me garantit l'agrément d'Allah Azza wa Jal et l'amour d'Allah Azza wa Jal? Parce que devant l'être humain, la situation est énorme. C'est soit un paradis dont la longueur et la largesse, c'est les cieux et la terre, ou ce soit le feu de l'enfer. La situation n'est pas aussi simple que ça, n'est pas facile. Donc, l'être humain doit méditer sur ce point essentiel. Comment se garantir le fait d'être sauvé? Et comment être sauvé? Par quelle voie? Et on ne peut pas être sauvé et être sur la voie du Suklas, subhanahu wa ta'ala, aime et agréé, que si on suit Muhammad alayhi salatu wassalam, et ses compagnons, et ceux qui les suivent à la perfection. C'est le seul chemin. Il n'y en a pas 50 000, c'est un seul. Il n'y en a pas deux, c'est un seul. Il n'y en a pas trois non plus, c'est un seul chemin. Un seul, décrété par Allah, azza wa jalla. Ou on le prend ou là, on divise de ce chemin. L'un des deux. On prend le chemin de l'agrément, ou là, on divise de ce chemin. أما السبب الأعظم والضمان الأقوى للنجاة من عذاب الله عز وجل والفوز بجنته فهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمرهما فعلا وكفا وتصديق خبرهما والإيمان بوعدهما ووعيدهما. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. La cause principale, il a l'énorme cause, il a la seule cause qui va te garantir le fait d'être sauvé du châtiment d'Allah Azzawajal et de gagner le paradis d'Allah Azzawajal et l'agrément d'Allah Azzawajal, c'est le fait d'obéir à Allah et à son messager, alayhi salatu wasalam. C'est le fait de répondre aux ordres d'Allah Azzawajal en mettant les ordres en application et en s'abstenant des interdits d'Allah Azzawajal. C'est le fait de suivre Muhammad alayhi salatu wasalam, de mettre en application ce qu'il nous a ordonné et de s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. Et le fait de prendre comme véridique ce qu'ils nous ont annoncé. Ce que nous a annoncé Allah Azza wa Jal, ce que nous a annoncé Muhammad alayhi salatu wasalam. Et le fait de croire aux les promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a promis. Et de croire en le châtiment et en les avertissements duquel nous a averti le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Car il est dit dans Sourate An-Nisa, celui qui obéit à Allah, à son messager, ceux-là font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et qu'il bonne compagnie que la compagnie de ceux-là, et le bienfait est à Allah, azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala seul et savant. Maintenant, regarde. Il est obligatoire pour toi chaque jour de faire ce dua dans tes prières. Mais est-ce qu'un jour tu as réfléchi à ce dua? Un jour tu as médité ce dua? Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim. Est-ce qu'un jour tu t'es posé la question sur cette voie-là que tu demandes? Tu dis toujours, il est obligatoire pour toi dans toutes tes prières de le dire ce dua. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Est-ce qu'un jour tu as médité ce dua que tu es en train de faire? La voix de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, les prophètes. La seule voix qui te garantit le comble du bien et le bonheur dans ce bas monde et dans le delà, c'est la voix du prophète Al-Assad. Des prophètes Al-Assad. Il y a la voix des véridiques. Et à la tête des véridiques, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a les prophètes Al-Assad et les messagers, et il y a le véridique de l'humanité après les prophètes alayhi salam, qui est Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Et derrière lui, tous les compagnons du prophète alayhi salam. Mais lui, il est au summum. Et après les martyrs. Les martyrs, c'est qui? Les prophètes alayhi salam. Et il y a aussi les compagnons du prophète alayhi salam. Et les vertueux, les premiers vertueux, c'est qui? Ce sont les compagnons des messagers alayhi salam. Donc la seule voie, il faut que tu médites ces deux que tu fais tout le temps. Salat al-Asr, Salat al-Dor, Salat al-Isha, l'Witr, etc. Tout ce que tu fais, tu es en train de demander ça. Pose-toi la question. Comment je vais arriver à être sur cette voie? Un seul chemin. Il est dit ici. La voie du prophète, des véridiques, des martyrs et des vertus. Point final. Il n'y a pas d'autre chemin. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il ne faut pas chercher d'autres voies. C'est la seule et unique voie. Il n'y en a pas 50 000. قال تعالى بعد أن بين الموارد في آيتين فقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله سبحانه وتعالى après avoir éclairé les gens sur les règles de l'héritage deux versets auparavant, il dit, et ça, ce sont les limites d'Allah Azza wa Jal, les limites qu'il ne faut pas transgresser. Et celui qui obéit à Allah Azza wa Jal et à son messager, c'est-à-dire il ne transgresse pas les lois d'Allah Azza wa Jal et les ordres d'Allah et les ordres de son messager, Allah subhanahu wa ta'ala le fait rentrer au paradis sur lequel coulent des fleuves éternel, il y sera éternel, et ça c'est le plus grand des gains. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager et qui transgresse les limites d'Allah, il ira en enfer et il y sera éternel, et il aura un châtiment qui va l'avilir et qui va le rabaisser. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. Dans une autre citation dans Surat No, celui qui obéit à Allah, à son messager, qui craint Allah, qui préserve les droits d'Allah, Azzawajal, ceux-là, ce sont les gagnants. Ceux-là, ce sont les gagnants. Obéissance à Allah et obéissance à son messager, alayhi salatu wasalam. Alors, l'ordre, certains ont calculé l'ordre d'obéir à Allah, Azzawajal, dans le Coran, il dépasse 50 versets ou 60 versets. Et l'ordre de suivre le prophète, alayhi salatu wasalam, il est à même pied d'égalité. Quelques plus de 100 versets qui t'ordonnent le fait de suivre ou d'obéir à Allah et à son messager, alayhi salatu wasalam. C'est énorme. On passe dans un verset, il faut méditer. Qu'est-ce que cette parole d'Allah, Azza wa Jal, veut de nous? Qu'est-ce qu'il nous ordonne? Parce que le Coran, il est pour méditer. Ou alors, dans ces cas-là, nos cœurs sont cadenassés. Ne méditent-ils pas le Coran ou alors leurs cœurs sont cadenassés? Il y a des cadenas sur leur cœur. Donc les versets qui ordonnent le fait d'obéir à Allah, d'obéir à son messager, et qui nous éclaire sur la récompense que vont avoir ceux qui obéissent à Allah, Azza wa Jal, et à ses messagers, alayhi salatu wasalam, et le châtiment que vont avoir ceux qui désobéissent à Allah, Azza wa Jal, et à ses messagers, alayhi salatu wasalam, sont nombreuses. Tu peux même pas les arrêter. Ils sont réputés dans la parole d'Allah, Azza wa Jal, et dans l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. وبالجملة فما فاز من فاز ونجا من نجا ونال الدرجات العلا إلا بطاعة الله وطاعة رسله وما هلك من هلك وعذب من عذب إلا بتكذيب الرسل وعصيانهم والتمرد عليهم. Et en général, n'ont gagné ceux qui ont gagné, ils étaient sauvés ceux qui sont sauvés, et ont eu les sphères les plus hautes que ceux qui ont obéi à Allah Azza wa Jal et à son messager, alayhi salatu wasalam, et ceux qui ont péri, parmi les peuples qui ont péri, et ceux qui ont été châtiés, tout simplement parce qu'ils ont démonté leur prophète, alayhi salatu wasalam. Ils ont désobéi, ils se sont révoltés contre eux, leur messager, alayhi salatu wasalam. Regardez. Le Coran, il est là. Ce qu'il nous a conté sur le peuple de Houd, le peuple de Saleh, le châtiment qu'il a reçu, le peuple de Nuh, ce qui est arrivé au peuple de Moussa, alayhi salatu wasalam, à Pharaon, et ses alliés, et ainsi de suite. Et les mêmes, certains ne puisèrent d'Allah alayhim, il est arrivé à un âge, 100 ans, plus de 100 ans, et il a sauté du haut d'une terrasse, d'une maison, et il s'est levé comme un jeune. Et les jeunes qui étaient là et les hommes qui étaient là, ils ont dit, c'est quoi tout ça? Il a dit, ça, ce sont des membres que nous avons protégés durant notre jeunesse avec l'obéissance à Allah et à son messager. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, les a protégés pour nous à la fin, durant notre vieillesse. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, les a préservés à notre vieillesse. قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم ثمود ما أشقاهم وأذلهم وعاد قبيلة معروفة من اليمن. Et dans cette citation dans Sourate Hud, quand notre ordre est arrivé, nous avons sauvé Hud et ceux qui sont avec lui, ceux qui lui ont obéi. Par clémence de notre part, nous leur avons épargné le grand châtiment, l'énorme châtiment. Et ça, c'est Ad qui a démonté, qui s'est entêté devant les signes d'Allah Azza wa Jal, et qui ont désobéi à leur prophète, Alors qu'il n'y avait que, hein, Hud devant eux. Mais là, il a dit qu'ils ont désobéi à tous les prophètes. C'est-à-dire que celui qui dément un seul prophète, il a démenti tous les prophètes. Comme là, subhanahu wa ta'ala fait la même citation pour le peuple de Noé. Donc celui qui ne croit pas, qui dit que je crois en Moussa, ou là qui croit en Isa, il dit je ne crois pas en Mohammed, il a démenti tous les prophètes, il ne croit en rien. Hein? Il dit qu'ils ont désobéi à leur prophète, au prophète d'Allah, au pluriel. Ils ont suivi l'ordre de tout tyran parmi eux. Dans ce bas monde, ils ont la malédiction, et dans le delà, parce qu'ils ont mécru en leur Seigneur, le châtiment les avilira, ils seront malheureux et au plus bas degré dans le châtiment. Hein? Yad, c'est une tribu du Yémen. وقال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي لا حركة لهم خامدين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود أي ما أشقاهم وأذلهم في العذاب. Et donc, voici un autre peuple, c'est le peuple de Salih, Thamoud, qui est deuxième Ad. Hein? Et eux faisaient des palais dans les montagnes, gravaient des palais dans les montagnes, à cette époque. Et la citation nous dit aussi dans Sourate Houd, quand notre ordre est arrivé, nous avons sauvé Salih et ceux qui ont cru avec lui, par clémence. Et nous les avons épargnés du malheur et du châtiment de ce jour-là, car ton Seigneur, il est le puissant. Et ceux qui étaient injustes, le châtiment les a pris, il les a fait inertes dans leurs vêtements, il les a bloqués chez eux. Sans mouvement, fini. Thamoud a mécru en son Seigneur, il sera avilé dans le châtiment. Il sera attristé au plus bas degré dans le châtiment. وقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعوذ ثمود وقال Et donc, le peuple de Shu'aib aussi. Allah subhanahu wa ta'ala a fait sauver Shu'aib et ceux qui ont cru en lui. Et les autres, le châtiment les a pris. Hein? Madian, le peuple de Madian, a été pris par le châtiment aussi, comme Thamoud et comme Ad. Hein? Pourquoi? Ils n'ont pas suivi les prophètes, alayhi salatu wasalam. Ils ont désobéi à Allah et à ses messagers, alayhi salatu wasalam. Ils se sont entêtés devant l'ordre d'Allah et le message d'Allah, azza wa jal. وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. Voici maintenant ce que nous compte Allah Azzawajal sur le peuple de Moussa. Nous avons envoyé Moussa avec nos signes et avec des preuves claires à Pharaon et aux nobles de son peuple. Ils ont suivi l'ordre de Pharaon, qui est un égaré, égareur, et qui n'ordonne que les choses qui vont ramener le mal et le châtiment d'Allah Azzawajal. Le jour de la résurrection, il sera au devant. Il conduira son peuple vers l'enfer. Et quelle mauvaise demeure vers laquelle il va les conduire, Pharaon. Et dans ce bas monde, ils ont reçu la malédiction. Et dans le delà, la même chose. Hein? Donc, mauvais. Tout ce qui a été réuni pour le peuple de Pharaon est mauvais. Parce que malédiction dans ce bas monde, et ce qui les attend, c'est encore pire. Malédiction dans ce bas monde et dans le delà et leur abaissement dans l'enfer. Hein? Et ça, ce sont les annonces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à son messager alayhi salam pour avertir ceux qui ne veulent pas croire. Et pour montrer que parmi ces peuples, il y a certains dont leurs demeures sont encore présentes, leurs signes, et comment ils ont reçu les signes et les ruines du châtiment qu'ils ont reçu, ils sont présents encore. Et certains, leurs signes ont été anéantis avec le temps, etc. Enfin, on va arrêter là, Inch'Allah, et on reprendra, Inch'Allah, après Salat, l'Isha.